Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une expérience cinématographique mythique, œuvre d'un réalisateur qui l'est tout autant, Théorème de Pier Paolo Pasolini. Ce film de 1968 à la réputation sulfureuse est à l'image de son créateur. Poétique, politique, hermétique parfois, déroutant toujours. Car Théorème mêle des thématiques et des formes hétéroclites, voire inconciliables. Marxiste, chrétien, freudien, trois adjectifs souvent accolés à Pier Paolo Pasolini, et tout particulièrement à ce film Théorème. Œuvre clé du réalisateur italien, cette œuvre est souvent considérée comme un révélateur, la source d'une pensée et d'une poésie qui ne cesseront de surprendre jusqu'à l'assassinat de Pasolini en 1975. Contre l'ordre établi et son puritanisme, contre la pensée unique bourgeoise et conformiste, Pasolini propose avec Théorème un ovni qui provoque procès et passion à sa sortie. Retour donc sur un film troublant aujourd'hui, trop souvent oublié d'ailleurs, qui dépasse la seule révolution des mœurs à l'œuvre en 1968. Non, c'est un film qui interroge la société à travers la sexualité, tout en flirtant avec le sacré. Notre invité aujourd'hui est René de Secati, écrivain mais aussi traducteur et spécialiste de Pasolini. Il a publié Le Christ selon Pasolini en 2018, cette année chez Fayard, une anthologie de textes majeurs du cinéaste et poète sur la figure du Christ. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mars 1968. Tandis que Pier Paolo Pasolini fête ses 46 ans, les étudiants de la faculté d'architecture de Rome affrontent la police à Valle Giulia. C'est le début du mai rampant, la version italienne de mai 68 en France, qui s'étirera dans le temps jusqu'à la jonction réussie de la révolte étudiante et des ouvriers. Pasolini, qui habite dans le quartier romain de la Rebibbia avec sa mère, partage le quotidien des classes les plus populaires, ce que le boom économique italien a laissé de côté. Ancien du Parti communiste, le PCI, désormais émancipé des partis politiques, intellectuel engagé artistiquement et politiquement, Pasolini observe avec anticonformisme la société italienne. Quand éclatent les mouvements étudiants de 68, son regard critique est partagé. D'un côté, il soutient le mouvement, l'espérance des jeunes. De l'autre, il regrette que la révolte étudiante n'ait rien de la lutte des classes dont il rêve. Habitué des polémiques, il en déclenche alors une nouvelle avec un poème. Il PCI ai Giovanni, le PCI aux jeunes, dans lequel il écrit « J'ai passé ma vie à haïr les vieux bourgeois moralistes. Et maintenant, je dois aussi haïr précocement leurs enfants. » La bourgeoisie érige des barricades contre elle-même, les fils à papa se révoltent contre leur papa, et tout comme leurs parents, ils sont profondément conformistes. Ceux que Pasolini comprend et défend, les prolétaires, les fils de pauvres, comme il l'écrit, ce ne sont pas les étudiants, mais les policiers. Une position incomprise, loin d'être réactionnaire, comme on a pu l'entendre, qui dit en fait l'engagement intellectuel contre la pensée bourgeoise. Oui, ce qui intéresse Pier Paolo Pasolini, c'est le lumpen proletariat, ces prolétaires sous les prolétaires, ces populations misérables et non organisées qu'il connaît et qu'il raconte dans ses œuvres. Ragazzi di vita, une vie violente, poème au pape Pie XII, Acatone, Mamma Roma, autant de romans, de poésie et de films qui montrent avec vérité les conditions de vie des plus démunis, le chômage, la faim, la délinquance, la prostitution. Des œuvres engagées, donc, qui rappellent par certains aspects la vague néo-réaliste du cinéma italien d'après-guerre. Des œuvres qui dérangent aussi. Car Pier Paolo Pasolini, qu'il le veuille ou non, scandalise l'Italie bien-pensante. Un pays où la pidibonderie de la démocratie chrétienne le dispute à celle d'un parti communiste qui exclut Pasolini en raison de son homosexualité. Plusieurs fois attaqué en justice pour pornographie, obscénité et apologie de l'homosexualité, il est condamné à 4 mois de prison avec sursis en 1963 pour la ricotta. Ce court-métrage est considéré par la justice italienne comme une injure à la religion d'État. On y voit un homme pauvre et affamé, engagé comme acteur sur le tournage d'un film biblique second à Frédéricotta, avant de mourir d'indigestion sur une croix. Et quand ce n'est pas l'Église qui s'élève contre la vision pasolinienne de la religion, c'est la gauche laïque qui prend ses distances. Comme en 1964, avec l'Évangile selon saint Matthieu, une mise en scène dépouillée picturale du sacré. Pierre Calfon, attaché de presse et proche de Pasolini, se souvient. En 1968, l'Italie était un pays bourgeois coincé, figé, avec une caste, disons, intellectuelle et riche, qui gérait entièrement l'art. Pasolini était de temps en temps un provocateur, mais surtout un homme désireux de changer les choses dans l'art, homosexuel, communiste et chrétien, profondément chrétien, avait déjà, dans plusieurs de ses films, montré à quel point le mystique intervenait. Et alors, en 68, il n'était pas question de parler de mysticisme. On parlait de faits précis, libéralisation des mœurs, dissipation des sociétés. Et voilà que tout d'un coup, il fait un film où il semble qu'il était touché par la grâce. Ce film touché par la grâce, c'est Théorème. Nous sommes en 1968 et Pier Paolo Pasolini va prouver une fois de plus qu'il n'est pas là où l'on l'attend. Été 66, Pasolini, immobilisé par un ulcère à l'estomac, profite de sa maladie pour écrire. En quelques semaines, il imagine 6 pièces de théâtre en vers et 2 scénarios, Oedipe Roi et Théorème. Au cours des années 60, le cinéma et le théâtre s'immiscent de plus en plus profondément dans son œuvre. Romancier et poète à l'origine, il cherche à explorer de nouveaux langages et à représenter la réalité au moyen de la réalité, je reprends ces mots. Du projet Théorème, d'abord conçu comme une pièce de théâtre, pousse 2 fruits. Un roman et un scénario que Pasolini compose en même temps. J'écrivais Théorème avec la main droite, expliquera-t-il, pendant qu'avec la main gauche, je peignais de fresques sur une grande paroi le film homonyme. Le scénario est donc un objet hybride, couplé à un roman, transformé en film et corrigé par le film. Ce processus d'écriture, fait d'échanges entre scénario, roman et théâtre, donne vie à un film aussi complexe que l'intrigue simple. Un jeune homme d'une grande beauté arrive de façon inopinée dans une famille bourgeoise. Il a des relations sexuelles avec la mère, le père, la bonne, le fils et la fille. Puis il s'en va, laissant la famille transformée et sans doute détruite. Pour la première fois, Pasolini fait de la bourgeoisie son objet d'analyse. Pas de héros prolétaires filmés façon néo-réalisme, mais une riche famille milanaise dans des situations sans lien logique qui frôlent parfois le surréalisme. Le réalisateur s'explique, si son cinéma change, c'est parce que la société a changé. La société dans laquelle je vis est changée. L'Italie des années 50 n'est pas l'Italie d'aujourd'hui. C'était une Italie populaire, agraire, pré-industrielle, etc. Et maintenant, l'Italie est devenue un pays néo-capitaliste. Elle a eu la plus grande évolution de son histoire, peut-être. Et alors, moi aussi, j'ai changé avec l'histoire de mon pays. La Catone, l'Évangile, etc., ont eu comme destinataire le peuple, comme classe sociale. Mais maintenant, on ne peut plus parler en Italie d'un peuple dissocié de la bourgeoisie. Aussi, en Italie, il y a la culture de masse. Et alors, je ne peux pas faire des films dont le destinataire est le peuple. Et il vostro padrone vi ha donato questa fabbrica. Lei che cosa ne pensa di questo gesto? Il vero protagonista di questa storia resta il vostro padrone. Bien que Pasolini se penche sur la société bourgeoise, Théorème commence par l'image de travailleurs devant une exploitation industrielle. Dans un prologue filmé à la manière d'un reportage télévisé, un journaliste interroge des ouvriers devenus propriétaires de leur usine, permettant ainsi au réalisateur d'introduire une réalité qu'il s'attache à combattre, le modèle bourgeois et capitaliste fait taire les classes populaires en leur imposant un modèle standardisé, fondé notamment sur le consumérisme et la propriété. Après ce prologue politique, place au théorème que Pasolini souhaite démontrer. Suite au départ de l'étrange séducteur, chacun des membres de la famille bourgeoise dans le film explose, chamboulé, abattu par l'histoire d'amour qu'il vient de vivre. Le fils, artiste raté, peint des croûtes sur lesquelles il urine. La fille entre en catatonie, mutique et paralysée. La mère, devenue nymphomane, s'offre à des inconnus. La domestique de la maison entre en lévitation, guérit miraculeusement les malades et mange des orties. Quant au père, il donne son usine à ses ouvriers, avant de se mettre nu en pleine gare de Milan et d'errer seul dans le désert. Son cri de désespoir clôt le film. Un théorème bien mystérieux donc, comme Pasolini le reconnaît lui-même. Les autres films de Catone, l'Évangile selon Saint-Mathieu, sont épiques, sont narratifs. Le théorème, c'est problématique. Mais ce film Detto in parabola, o se vuoi vuole un enigma. Sento un teorema misterioso. E su Gesù si dice il titolo del teorema, perché che gli ha disannonce, c'est-à-dire gli ha in famiglia bourgeoise milanese. E poi gli ha un'ipotesi, c'est-à-dire gli ha una dimostrazione per absurdum. Cette hypothèse, c'est que Génon, peut-être Dieu ou peut-être Lucifer, c'est-à-dire l'authenticité, arrive dans cette famille et tous les personnages sont en crise. La démonstration n'est pas conclue, elle est ouverte. À la sortie du théorème, Pierre Paolo Pasolini va donner les clés pour comprendre sa parabole énigmatique, ce mystère non conclu qu'il s'attache à démontrer. Si un élément anticonformiste se manifestait dans la société bourgeoise, dit-il, il pourrait la bouleverser, voire la détruire, en révélant à quel point l'homme bourgeois est individualiste, aliéné, vain. Et cet élément anticonformiste, c'est le sacré, comme l'explique Pasolini. Il n'est pas un dieu, il est une théophanie, ou c'est mieux encore dire une hiérophanie, c'est l'apparition du sacré. Et le sacré qui peut être du mal et du bien. Et vous savez que l'historicien de la religion dit que le bien et le mal sont toujours mêlés dans Dieu. Comme la virilité et la féminilité sont toujours cachés. Les dieux sont toujours androgènes. Et alors, vous savez, c'est un dieu archaïque dans les films. C'est le contraire du manichéisme. Et il n'est pas un dieu qui peut être interprété dans le cadre de la sotériologie. Il ne vient pas sur le monde pour sauver, pour évangéliser. Il vient pour être connu. Et après, il est disparu. Pour Pasolini, la bourgeoisie a remplacé le sens du sacré que le peuple possédait autrefois par l'idéologie du confort et du pouvoir. Une idéologie fictive et stérile que l'étranger de théorème va donc dégommer à coups de rein en couchant avec chacun des membres de la famille qu'il visite. Bien. Mais pourquoi le sexe comme révélateur plutôt qu'un discours ? Parce que Pasolini ne croit pas au verbe, il croit au sexe, analyse son ami l'écrivain Alberto Moravia. Si può finire qui, ma tu davvero vuoi? Buttare via così un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute, vissute. Di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai. Un anno d'amore e Septembre 1967. Un an après avoir écrit Théorème, Pier Paolo Pasolini cherche ses interprètes. Lui qui aime tant les acteurs amateurs, qui choisit souvent lui-même ses figurants, là il compose un casting de luxe. Il se décide rapidement pour la grande Sibella Mangano, star du cinéma italien dans le rôle de la mère, et Massimo Girotti, acteur de Visconti, pour le rôle du père. Quant à l'ange séducteur, l'étranger qui fera irruption dans la famille, ce sera Terence Stamp, sur les conseils de Sibella Mangano. Stamp a reçu le prix d'interprétation à Cannes en 1964 pour son rôle dans L'Obsédé de William Wheeler et il habite alors en Italie. Il parle anglais, ce qui ne pose pas de problème puisque le cinéma italien repose sur le principe du doublage. Dans la version italienne, la voix de l'acteur Pino Colizzi remplacera donc la sienne en post-synchro, un système vieux comme le cinéma transalpin qui permet aux réalisateurs d'employer des acteurs internationaux sur des tournages multilingues. La jeune fille de Théorème sera d'ailleurs française. Petite fille de Mauriac et deuxième épouse de Jean-Luc Godard, Anne Wiaghemski, a tout juste 20 ans quand Pasolini lui propose le rôle. Le réalisateur italien l'aborde sans façon lors de la Mostra de Nice sur un vaporetto. « Lei è Odette, vous êtes Odette », lui annonce-t-il sans prévenir. L'actrice de Robert Bresson et de Jean-Luc Godard se souvient au micro de Kathleen Evin. Qu'est-ce que Jean-Luc Godard vous a dit lorsque vous lui avez raconté que Pasolini voulait que vous jouiez Odette? Ben, il était mort de rire parce qu'il était avec Bernardo Bertolucci et ils m'attendaient tous les deux. Et je leur ai dit, j'ai rencontré un drôle de type avec des lunettes, je sais pas quoi, rien compris. Il voudrait que je tourne dans son film. Je sais pas, comment il s'appelle, m'ont-ils demandé. Je dis, ben, je sais pas. Mais il m'avait marqué son nom sur un papier. Donc j'ai sorti le papier de ma poche. Et donc, ils étaient écoués de rire. Enfin, c'était, parce que par exemple, pour Jean-Luc, à vrai dire, je sais pas vraiment ce qu'il pensait de Pasolini, ou j'ai oublié. Mais pour Bernardo Bertolucci, c'était le maître absolu. Bernardo a été son assistant. Le tournage de Théorème ne débute pas sous les meilleurs auspices. Pasolini, qui a pourtant réalisé 5 longs-métrages, un documentaire et 4 films courts, est un peu perdu. Mais trop de monde, trop de stars. Lui préfère les équipes plus petites, les tournages plus intimistes. Lui qui a l'habitude d'improviser, de jouer avec plusieurs caméras pour laisser une place à l'accidentel, doit se confronter là à un tournage qu'il a voulu plus rigoureux qu'à l'ordinaire. Par ailleurs, il parle mal l'anglais et peine à s'entretenir avec Terence Stamp, qui est souvent sous d'ailleurs, et drogué. Les deux hommes sont très distants. Neyman Wiaghemski, qui deviendra plus tard son ami, se souvient d'une communication difficile avec le réalisateur qui ne lui parlait pas beaucoup. À part Sibella Mangano, les acteurs découvrent le scénario au fur et à mesure du tournage, la veille pour le lendemain. Heureusement, Pasolini, pourtant reconnu comme dialoguiste, n'a prévu que très peu de textes. Mais il a réservé une tirade pour tous les personnages. Chacun leur tour, au cours du film, ils expliquent à l'étranger qui les a séduits ce qu'il a changé en eux. Écoutons Anne Wiaghemski dans un extrait du film en italien, suivi d'une traduction en français réalisée par elle-même pour L'Humeur Vagabonde. Tu m'as fait devenir une fille normale. J'ai trouvé une solution à ma vie. Avant, je ne savais rien des hommes, j'en avais peur. Je n'aimais que mon père. Maintenant, tu me laisses, tu me ramènes en arrière, encore plus loin. La douleur de te perdre provoquera une rechute bien plus dangereuse que le mal qui m'accablait avant la brève guérison due à ta présence. Je n'avais jamais décelé ce mal. Maintenant, si. Par le bien que tu m'as fait, j'ai compris mon mal. Maintenant, comment te remplacer? Peut-être existe-t-il quelqu'un? Je ne pourrai plus vivre. Dans cette séquence, Anne Wiaghemski regarde dans le vide l'air ailleurs. Elle racontera n'avoir pas eu le temps d'apprendre son texte, copié en soutien sur des rouleaux de papier toilette déroulés sur le plateau. Alors si elle a l'œil perdu, eh bien c'est parce qu'elle cherche le papier du regard. Mais au-delà de l'anecdote, de façon générale, le jeu des acteurs de Théorème est un peu mécanique, inexpressif. C'est Pasolini qui l'a voulu ainsi pour dire la sidération des personnages face au bouleversement qui traverse leur vie. Pour Pier Paolo Pasolini, le tournage n'est pas de tout repos car il enchaîne 2 journées. Tous les soirs, quand les acteurs se reposent, lui écrit. Le réalisateur reprend Théorème version roman en y ajoutant des scènes inspirées du film et donne ainsi naissance à une œuvre unique où cinéma et littérature s'imbriquent totalement. Le roman, publié en mars 1968, avant la sortie du film donc, gagne le prix Strega, équivalent du prix Goncourt. Une récompense de bon augure pour Théorème version ciné, qui doit être présentée à la Mostra de Venise après l'été. Ceux qui découvrent Théorème de Pasolini aujourd'hui sont loin d'imaginer l'atmosphère où s'est déroulée la projection, la première. Théorème avait été sélectionné par le Festival de Venise, la Mostra, et autant dire qu'aussi bien la projection de presse que celle du soir, comme ça se passe dans tous les festivals, ça a été vraiment un torrent à la fois d'insultes et d'applaudissements. Il y avait en Italie, en septembre 68, au moment de cette présentation, encore une fièvre dite gauchiste, révolutionnaire. Et d'autre part, il y avait justement les tenants de l'ordre établi. Donc ce sont deux commandos, disons, dans les salles, deux publics qui se sont affrontés. Le critique de cinéma Henri Chapier, proche de Pasolini, est présent dans la salle quand le public découvre Théorème, mais aussi lors de la remise des prix. Stupeur, la Mostra de Venise. En dépit des sifflets des bien-pensants qui jugent le film scabreux, Théorème reçoit le Grand Prix de l'Office catholique international du cinéma, qui récompense habituellement la mise en valeur de la famille, de la paix ou de la cohésion sociale. Laura Betty, elle, reçoit le prix d'interprétation pour son rôle de servante, frappée de sainteté. Marc Gervais, le président du jury de l'Office catholique, est un grand admirateur de Pasolini. Un de ses grands mérites, explique le jeune jésuite lors de la remise du prix, c'est précisément d'avoir dépassé le niveau superficiel de la sexualité et d'avoir abouti à l'un des aspects profonds et mystérieux de la condition humaine. La force sexuelle constitue un appel à autre chose. Mais l'ouverture de Marc Gervais reste une exception et, progressivement, une partie du monde catholique se désolidarise du jésuite cinéphile. Le président de la section française de l'Office catholique du cinéma s'explique sur France Culture. Certes, le film a sans doute une dimension mystique, mais elle n'est pas à la portée de tous. L'Office catholique français et un grand nombre de pays n'ont pas été d'accord. Et pour la raison suivante, c'est que l'on pense que si on donnait un prix de cinéphile ou un prix de cinéma d'art et d'essai ou de critique cinématographique, on pouvait parfaitement donner le prix à Théorème parce que son niveau culturel et artistique, c'est tout à fait valable. Mais pour le grand public, certainement, le grand public fait contresens devant de genres de films comme ça. Actuellement, au point de vue culture, on s'imagine que la grande masse est cultivée. Eh bien, c'est pas vrai. Allez, baladez-vous entre Pigalle et Barbès et vous verrez la faune qui s'y trouve. Et quand on leur montre certains films, ils n'y comprennent absolument rien. Et je vais vous montrer le contresens. Vous vous souvenez le film admirable de Bergman qui s'appelle Le Silence. Il y a une scène de masturbation. On a passé le film dans une ville du Midi, dans le cinéma cochon. Tous les Nord-Algériens, tous les malheureux qui n'ont absolument pas d'endroit où aller, allaient voir ce film parce qu'ils veulent voir ça. Ils n'ont rien compris. Pour beaucoup de catholiques, la récompense pour Théorème à la Mostra reste incompréhensible. Enfin voyons. Dieu, transformé en un jeune homme à la sexualité débridée, homosexuel même, blasphème. À Venise, un avocat moraliste va même jusqu'à porter plainte contre Pier Paolo Pasolini pour obscénité. Le réalisateur se défend devant le tribunal. L'acte sexuel, dans Théorème, n'est qu'un symbole. D'autant que les scènes de sexe, loin d'être explicites, restent très chastes. On parle du sexe de Laura Betty en plein écran, mais on ne verra jamais rien d'autre que le début de ses cuisses. Pour Pierre Calfon, ami de Pasolini, si le film choque autant, c'est à cause du pouvoir des images du réalisateur. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film, il n'y a l'évocation d'une seule séquence pornographique, d'un geste qui ne soit pas vraiment au-dessus de la ceinture, je parle de geste. Et tous les gens croient avoir vu des actes sexuels. Il y avait d'autres gens qui étaient absolument scandalisés par les plans sur les braguettes. Oui, plans des entrejambes, plans des slips par terre. Et c'est ça qui choque. Le choc vient de là. Alors, vous savez, à l'époque, c'est exactement comme c'était un film qui a eu le même succès que Le Dernier Tango à Paris. Autant dans Le Dernier Tango à Paris, les gens avaient facilité le scandale en disant « passe-moi le beurre ». Dans Théorème, c'était « il a couché avec toute la famille, même le chien ». Je veux dire, ça montre à quel point Pasolini avait raison de faire le film. Au terme du procès mené contre le réalisateur en 1968, le président du tribunal de Venise tranche. Théorème est incontestablement une œuvre d'art, elle ne peut pas être obscène. Point. Pier Paolo Pasolini est donc acquitté. Mais le film, lui, ne sortira pas indemne de ces polémiques. Il ne sera projeté que dans de rares salles, tant les mairies italiennes utilisent leur droit de sequestro. Autrement dit, la saisie des pays cul en cas de plainte des citoyens. Quant à l'Office catholique du cinéma, il fait marche arrière 6 mois après la mostrée de Venise, dans un communiqué sans embâche qui dit « Un tel film ne respecte pas la sensibilité du peuple chrétien ». En France, Théorème sort en février 1969, sans difficultés juridiques mais non sans controverse. Malgré un accueil globalement positif de la presse, Pasolini est accusé de vouloir choquer à tout prix. Le critique Michel Mordor qualifie le film d'attrape-nigaud fabriqué exprès pour scandaliser les bons pères. Quant à Georges Charansol, il se dispute gaiement et comme d'habitude avec son comparse Jean-Louis Borry dans Le Masque à la Plume. Théorème n'est évidemment pas un film capital puisque c'est un immense canular auquel se prête à l'unanimité la critique et moi-même ayant refusé d'en parler dans mon journal, j'ai donc collaboré à cette énorme mystification car il s'agit incontestablement d'une énorme blague montée entièrement par Pasolini car lorsqu'on voit que le seul fait pour un jeune homme d'avoir été, comment dirais-je, détourné du droit chemin par un autre jeune homme, oh, comme c'est le conduit le conduit à faire de la peinture abstraite, je ne crois pas qu'on puisse prendre ça très au sérieux. Ah, c'est tout, je n'ai plus rien à ajouter, je laisse mon ami Borry pousser sa crise. Et puis avec le temps, l'odeur de soufre de Théorème s'estompe et le film devient de culte. Comparé à d'autres scandales pasoliniens, dont le sommet restera salaud, les 120 journées de Sodome, bien sûr, Théorème semble finalement plutôt modéré. La question que le film pose n'est plus tant celle du moralisme que celle de la lecture qu'on en fait. Que peut-on comprendre de Théorème? Des multiples pistes couvrent Pasolini. Pour certains, c'est un film religieux, donc, et l'incarnation cinématographique d'un verset de l'Évangile selon saint Jean. Et le verbe s'est fait chair. Pour d'autres, c'est un film politique dans lequel Pasolini critique le capital tout en soulignant l'individualisme bourgeois et son absence de conscience de classe. Pour d'autres enfin, c'est un film intime qui dit la solitude et la douleur existentielle du réalisateur lui-même exprimée dans le terrible cri du père à la fin du film. Dans Le Masque et la Plume, toujours, le critique Michel Aubryant y voit en 1969 un film non pas confus, comme on a pu l'entendre, mais polysémique, où chacun trouvera ce qu'il cherche. Moi, je crois que le film est beaucoup plus important parce que Pasolini nous révèle de lui-même, oui, justement, de ses complexes, de ses doutes, de ses obsessions, que par un message qui est tellement ouvert que les marxistes y trouvent quelque chose, que les chrétiens sont ravis qu'ils couronnent, que les freudiens, enfin les jeunes, aussi sont ravis. Je crois que chacun va trouver dans ce film, c'est un film qui s'adresse à notre disponibilité. Il est beaucoup plus intéressant dans la mesure où il représente un certain nombre de thèmes qu'a toujours traité Pasolini, c'est ça. Théorème, c'est donc tout à la fois un film politique, sacré, poétique, intellectuel, engagé, complexe et sans complexe. C'est là l'une des spécificités de Pasolini, justement, que lui-même reconnaissait. Son œuvre est exigeante, ses films peuvent se montrer hermétiques, difficiles à comprendre, car avant d'être cinéaste, Pasolini est un poète. Il n'écrit donc pas forcément pour être compris, mais pour être éprouvé, pour troubler, peut-être, oh, certainement d'ailleurs. Au micro de Laura Adler, en 2015, le metteur en scène de théâtre Stanislas Nordet analyse la démarche de Pasolini à travers le prisme d'Affabulazione, une pièce de théâtre écrite par l'auteur italien en même temps que Théorème. Et c'est ce qui m'a toujours fasciné, c'est qu'il y a à la fois une langue très très construite, sculptée, et en même temps il y a une grande intelligence du lien au spectateur. Au début d'Affabulazione, par exemple, il commence par une adresse au spectateur pour dire au spectateur que ça va être facile d'écouter la pièce pour les quelques rares lecteurs de poésie qu'il y a dans la société, et difficile pour une société qui vit le pire moment de son histoire. Et ensuite il dit votre oreille devra s'y habituer. C'est-à-dire que tout d'un coup il a ce rapport au public où il sait qu'il y a une forme d'acculturation de la société italienne et que donc il y a un effort à faire pour rentrer dans son théâtre, mais que cet effort-là, il le propose généreusement et qu'il embarque avec lui tous les publics. C'est pas grave si on comprend pas tout, dit-il. On ressentira en tout cas un certain nombre de choses au passage. Comprendre, mais surtout ressentir. Théorème est peut-être un film tract, porteur d'un message politique ou mystique, mais c'est aussi, et c'est surtout, un film sensuel, sensoriel, parfois surréaliste, toujours beau. Ce qui reste après l'avoir vu, ce sont des images, le désert brûlé par le vent par exemple, c'est la musique, celle d'Ennio Morricone et celle de Mozart, c'est un montage hypnotique. Oui, c'est vrai, on peut s'ennuyer en regardant Théorème, tant sa construction en deux parties symétriques est stricte, répétitive. Oui, 12 minutes de dialogue, pour un film d'une heure 30, c'est peu. Mais le film est un poème qui touche, qui dérange, qu'on éprouve. Un cinéma de poésie, comme l'avait théorisé Pasolini en 1965. Un cinéma qui ne se contente pas de montrer le réel, mais qui traduit, je cite, « une intolérance aux règles, un besoin de liberté insolite et provocatrice, un goût de l'anarchie authentique ou délicieux. » Théorème, un film toujours actuel, car il dit autant de l'Italie d'hier que du monde d'aujourd'hui. L'idéologie bourgeoise, l'individualisme, la propriété comme absolue, autant de certitudes que la figure de l'étranger détruit dans le film, comme l'explique le père dans cette tirade emblématique de Théorème, à qui nous laissons donc le mot de la fin. Tu sei certamente venuto qui per distruggere. In me la distruzione che hai causato non poteva essere più totale. Hai distrutto semplicemente l'idea che io ho sempre avuto di me. Ora io non riesco a vedere assolutamente niente che possa reintegrarmi nella mia identità. Che cosa mi proponi? Uno scandalo simile a una morte civile, una perdita completa di me stesso. Ma come può far questo un uomo abituato all'idea dell'ordine, del domani e soprattutto del possesso? Morte, sans parole, sans un geste, sans visage, sous la terre, qu'elle finisse, vous dites, je le sais, tout ce bordel qu'elle a fait parmi nous. Pitié, pitié, gens du bon monde. Chacun de vous gronde. Quand la brise, quand l'étouffe, quand l'écrase, la détruise, elle s'occupe, vous dites, seulement de jeter du tourment parmi nous. Pitié, pitié, gens de l'Église. Scandalise par mes vices, mon sang gêne, mes tendresses et ma haine. Que fait-elle, vous dites, comme ça, démoniaque tabou parmi nous? Pitié, pitié, gens de la foule. Ma vie s'écroule et je tremble, je me cache, je suis pleine de ma haine. Qu'on la chasse, vous dites, c'est tout, car elle n'est pas comme nous, parmi nous. Pitié, pitié, j'en viens en place. Gens de police, Moi j'écoute vos menaces de violence, de supplice. La passion, vous vous dites, ne fait que troubler notre paix parmi nous. Pitié, pitié, gens de catombe, lanceurs de bombes. Jetez celle qui s'amuse, qui se donne, se refuse. Mais oui, je suis fini, soyez tranquille. J'entre dans l'ombre, je vous laisse le monde. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Théorème, et vous venez d'entendre cette étrange chanson chantée par Laura Betti qui interprétait La Parade du Suicide, texte écrit par Pier Paolo Pasolini qui a réalisé Théorème, film dont nous parlons aujourd'hui et dont nous allons parler plus en avant avec vous. René de Secati, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, traducteur et spécialiste de Pasolini et vous avez récemment publié le livre Le Christ selon Pasolini aux éditions Bayard. D'abord, comment l'avez-vous découvert, ce Pier Paolo Pasolini? Ben, je l'ai découvert justement par Théorème, que j'ai vu au moment de la sortie. Enfin, c'était, je n'habitais pas Paris à ce moment-là. Donc, 69 en France. Hein. En 69, mm-hmm. Oui. Et c'était au cours d'un festival de cinéma ou de cinéma italien, dont le sujet était le pays invité était l'Italie. C'était à Besnas, près de Montpellier. Et j'ai été complètement saisi par ce film. Je ne découvrais pas Pasolini. J'avais déjà vu l'Évangile selon saint Matthieu, que j'avais beaucoup aimé. J'étais évidemment très jeune à ce moment-là et j'ai voulu lire le livre Théorème. J'ai appris que le livre avait paru en même temps que le film et donc j'ai lu le livre et mon enthousiasme a été total et j'ai écrit à Pasolini à ce moment-là et en lui envoyant un manuscrit que j'avais écrit et enfin je lui ai demandé si je pouvais le faire et il m'a dit oui. Il recevait en fait beaucoup de manuscrits de jeunes écrivains du monde entier, un peu comme faisait Gide autrefois, ou enfin on imagine. C'est un écrivain qui est plus qu'un écrivain, un cinéaste aussi, qui exerçait une fascination justement sur des adolescents. Et vous aviez 15 ans, faut le dire. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans en ce moment-là. J'ai voulu aller le voir, je suis allé en Italie peu de temps après, il m'avait donné son adresse, et quand je suis allé, j'ai frappé à sa porte, sans m'annoncer, en fait, je suis allé directement, parce qu'il m'avait donné son adresse, et il était en train de faire les repérages d'un film qu'il n'a pas tourné, qui était Saint-Paul, et j'étais reçu par sa cousine et par Ninetto Davoli, qui vivait avec lui à ce moment-là, et ils m'ont dit, bon, il est en tournage, mais laisse ton adresse en Italie, et il t'écrira, et en effet, il m'a écrit 15 jours plus tard, il était retourné, et revenu, mais malheureusement, moi, j'étais reparti. Décidément. Et finalement, je l'ai jamais rencontré, mais c'était très important parce que cette rencontre manquée a donné énormément d'importance à cette œuvre. Et qu'est-ce que vous avez aimé quand vous avez vu Théorème la première fois? Vous l'avez vu plusieurs fois, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce film? Bah, contrairement à Georges Charansol, qui est une stupidité effrayante dans son commentaire, je ne trouvais pas que c'était un canular, loin de là. Je pense que c'était en effet du cinéma de poésie. Et moi, je n'étais pas du tout étonné par la forme parabolique. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel enfin, il faut pas exagérer. Je veux dire, il suffit de lire les saintes extatiques, de dire que le langage sexuel est un langage totalement naturel dans la mystique. C'est pas une nouveauté. Je veux dire, Pasolini n'a pas apporté. Il suffit de lire Sainte-Thérèse, d'Avila, bien entendu, pas de Lisieux, ou de lire Inès de la Cruz. Enfin, je veux dire que les grandes mystiques ont un langage sexuel, naturellement sexuel. Donc, cette parabole en fait n'avait rien de choquant en soi. Et puis bon, le traitement de la Elle n'avait rien de choquant jusqu'au moment où on sait les choses. Quand on ne sait pas ça, effectivement, ça peut être choquant. Oui, mais enfin... Donc, bon, c'est, quand même, donc c'est un film qui s'adressait à un public déjà exigeant. Il ne pouvait passer que devant un public instruit, c'est ça ? Pas nécessairement. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier quand même que il y avait avant ce film, il y a eu l'Évangile selon saint Matthieu. Oui. Et l'Évangile selon saint Matthieu, qui était déjà choquant pour d'autres raisons, parce qu'il a il n'a pas tourné le film en Palestine, il a tourné à Matera, en Basilicate. Et dans les Pouilles également. Et dans les Pouilles. Près de Viterbe, et donc en utilisant un peuple, il avait dit à Jean-Paul Sartre, au fond, si j'avais été français, moi j'aurais tourné mon film en Algérie. C'est en 64, hein, c'est-à-dire 2 ans après la fin de la guerre, donc ce que ça pouvait représenter. C'est pour donner une idée, c'est-à-dire que déjà lui-même avait... avec la religion catholique, un rapport évidemment un peu inattendu, et il a prolongé naturellement avec Théorème. Je pense avec cette liberté d'un grand créateur, et une partie de l'Église catholique, bien sûr, avait reconnu ce film. On l'a dit d'ailleurs. Oui, et effectivement, non seulement par le prix de l'Office catholique, mais également, Pasolini disait pour l'Évangile selon saint Matthieu qu'il devait pouvoir être projeté dans les salles paroissiales qui étaient très nombreuses à ce moment-là. Et pourtant, alors on est bien d'accord, hein, si on va un peu plus loin dans l'analyse, on vous rejoint, mais c'est vrai que l'image qu'il a laissée, quand même une image de scandale, c'est souvent le cas des gens épris de liberté, hein, qui finalement renvoient du scandale. On va écouter une archive ensemble, on va écouter Pasolini lui-même, dans les années 60, les opposants moralistes à Pasolini auraient pu dire que l'essence de son œuvre, c'est donc la recherche du scandale. Et donc on va écouter le cinéaste, alors il parle en italien et je vais tenter de traduire en même temps. Certains animaux ne font guère pitié lorsqu'on les mange, parce qu'en réalité ils veulent être mangés. Il se peut que je sois un de ces animaux qui désire être mangé et provoque donc l'appétit d'autrui. Je devrais faire mon mea culpa, mais il est inutile de faire semblant. D'autant plus qu'on n'est pas responsable de la volonté de son inconscient. Bah voilà, il l'explique bien quand même, non ? Oui, bien sûr. Mais bon, quand il dit que certains animaux veulent être mangés, je pense qu'il a aussi, il avait tant d'ennemis, Pasolini, parce qu'il avait bien sûr les ennemis puritains, il avait les ennemis de l'Église la plus rétrograde, ça c'est certain, mais il avait également des ennemis dans la gauche, il avait des ennemis communistes, il avait des ennemis aussi dont parmi les étudiants, comme vous l'avez cité, ce poème qui en fait n'a pas été compris, parce que Pasolini, vous savez, ce poème a été le PC aux jeunes, a été publié dans l'Espresso, dans un hebdomadaire de grande diffusion, alors qu'il était destiné à une revue intellectuelle qu'il dirigeait, qui était Novi Argomenti, qui était suivi d'un commentaire de Pasolini où il expliquait qu'il utilisait un langage ironique et qu'il fallait lire absolument tous ces cris de révolte contre les fils de bourgeois, comme il dit, entre guillemets, c'est-à-dire avec, comme s'il aurait fallu qu'il y ait un signe d'ironie. Mmh. Il disait, j'ai écrit en de mauvais vers parce que les mauvais vers ont besoin d'être commentés. Je vais les commenter maintenant. Non, il était poussé toujours à expliquer ce qu'il faisait, ce qui n'est pas forcément... C'est intellectuel. Oui, mais c'est pas une position forcément confortable pour un cinéaste. Le cinéma crée de l'émotion. L'émotion, elle est directe, elle ne demande pas forcément d'explication. Il y a chaque fois, fallait qu'il explique. Oui, mais bon, ça c'est tout à fait normal. Le cinéma est un art qui est à la fois extraordinairement populaire, bien entendu, et en même temps, c'est le cinéma, ce n'est pas un hasard, si on cite Bergman, si on cite Buñuel, c'est ce cinéma-là, Godard. S'il a pris Anne Wiazemski, c'est aussi un hommage à Jean-Luc Godard. Hein. Jean-Luc Godard non plus ne fait pas des films, si vous regardez les films contemporains de Théorème, c'est-à-dire Weekend, enfin ou La Chinoise, c'était pas des films directs. Il se faisait d'ailleurs également lui-même abondamment insulter. Ou Marguerite Duras, d'ailleurs, autre cinéaste qui appartient au fond à cette même famille de créateurs qui veulent communiquer quand même avec le grand nombre, autrement ils choisiraient pas le cinéma, mais en même temps se laissant une part d'ambiguïté. Alors ne pas être compris n'est pas toujours une catastrophe dans l'art. Ça dépend, quand on entend Charansol, oui. Oui, oui, mais enfin bon. On a souvent entendu les mots révélateur, déclencheur, pour parler de théorème. Pourquoi ce film peut-il être considéré comme un monument clé on va dire un monument, on va pas dire monument clé, un monument dans l'œuvre et peut-être dans la vie de Pasolini. Théorème est un film aussi très frappant parce que il a un langage réaliste. Je pense que les films qui sont très choquants, ce sont les films qui ont un langage réaliste avec des acteurs connus comme Silvana Mangano, Massimo Gelotti, etc. Et Terrence Stamp qui commençait à être très connu et à qui l'on fait dire aux acteurs des choses totalement inhabituelles, totalement insolites et soit par des gestes, soit par oui la nudité ou la sexualité, mais encore une fois, Buñuel a fait un peu la même chose, hein. Donc de manière peut-être moins directement sexuelle, mais c'est un peu la même chose. Peu de temps après, Buñuel fait le fantôme de la liberté, où Adriana Asti joue du piano en étant nue et la caméra est branchée sur et orientée vers son sexe. Donc je veux dire, c'est aussi toute une époque de créateurs qui avait une extraordinaire liberté et dont faisait partie Pasolini. Alors, Théorème, c'est un film très différent de Mamma Roma, par exemple, qui sort en 62, de BD, qui sort en 69, de L'Évangile selon saint Matthieu, qui sort en 64. Hein, 64, c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce qui réunit ces films et d'autres encore, si lointains apparemment les uns des autres, et qu'est-ce qui fait la sève du cinéma de Pasolini? Et à un moment, il utilise le terme de hiérophanie, l'apparition du sacré, et je pense que c'est tout à fait ça. C'est un excellent résumé de son rapport au cinéma, de son rapport à l'image. Et vous savez, déjà, Mamma Roma et Accattone est choqué. Il choquait pourquoi ? Parce que Pasolini utilisait de la musique sacrée en représentant des genres extrêmement simples de la pègre. Rien que cette utilisation de Vivaldi ou de Bach ou de Mozart après était extrêmement choquante. La Ricotta, le film qu'il a fait juste avant l'Évangile selon saint Matthieu, a été traîné dans la boue parce que il a été considéré comme blasphématoire. Donc Pasolini savait que il allait utiliser un langage qui choquerait parce qu'il mettait le sacré ailleurs que l'endroit où on le mettait d'habituellement, en tous les cas ailleurs que dans les églises, ça c'est certain. Donc ce qui ne lui interdisait pas d'avoir de lire l'Évangile, ce qui ne lui interdisait pas de lire des livres, disons, qui font partie du grand corpus catholique. Mais à un moment, vous avez dit qu'il était chrétien, il apportait lui-même des nuances. Hein. Il disait que sans doute il appartenait à une culture chrétienne et catholique, mais il n'était pas croyant. Il l'a répété plusieurs fois. Je ne crois pas en Dieu. Donc, simplement, il faisait réapparaître Dieu. Je suis chrétien par culture. Par culture, voilà, mais aussi simplement. Par rapport au sacré, ça certainement. Mais il ne pouvait pas croire au Dieu, disons, catholique traditionnel. Alors, il emploie beaucoup la métaphore, hein, c'est un fil rouge de sa filmographie. Là où il va le plus loin, c'est avec Salo, les 120 journées de Sodome, où c'est la métaphore d'une société décadente, d'une Italie décadente et bourgeoise. On retrouve hein, les mêmes thèmes. C'est avec Salo qu'il va le plus loin, quand même, selon vous? Certainement, parce que jusque-là, pendant les trois films précédents qu'il a fait, entre Théorème et Diproie, et Porcherie, d'ailleurs, il y a également Porcherie, et Salo, il fait trois films de conte où il croit pouvoir, au fond, représenter une sexualité libre, populaire. Et il y a un revirement. Il y a un revirement parce qu'il a l'impression qu'au fond, il y a eu un très grand malentendu sur son cinéma. Et donc, il va renverser l'utilisation de la sexualité. La sexualité devient non plus un moyen de libération ou un moyen d'accès au sacré, mais ça devient quelque chose, au contraire, d'humiliant. Et ça devient une métaphore du pouvoir. Donc, là, c'est certain qu'il y a un revirement très profond quand il fait Salo, il écrit en plus son grand roman qui sera posthume, Pétrole, c'est-à-dire qu'il a une sorte de désespoir et de regard terrible, oui, terriblement désespéré sur la société italienne. Alors on l'a dit, Théorème est un film qui a trait au mystique. On l'a dit et redit, l'apparition de l'étranger dans le film, c'est en quelque sorte l'apparition du sacré, de l'absolu. On va écouter une deuxième fois Pasolini aborder la question de la religion catholique, qui faisait partie donc de sa vie. On l'a dit, hein, chrétien de culture mais pas croyant, enfin ça faisait partie de sa vie, et puis de celle de l'Italie évidemment, à l'époque encore plus qu'aujourd'hui. On écoute Pasolini. J'ai vécu l'expérience de la religion dans un monde paysan, dans le village de ma mère, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Désormais, ce monde paysan, archaïque, artisanal, est en train de disparaître. Et touche à sa fin, remplacé par un nouveau type de culture, de civilisation, la civilisation bourgeoise et capitaliste. Il est clair que la religion représente un moment éternel, une catégorie humaine, le mystère, l'inconnaissable, l'angoisse. Elle ne disparaîtra pas avec le monde paysan. Alors, paradoxalement, on a choisi cet extrait parce que d'un côté, il choquait la morale bourgeoise, Pasolini, mais on lui a reproché d'être réactionnaire car il était très attaché au monde ancestral, paysan, qu'il relie étroitement à la religion. Réactionnaire, Pasolini ? Non, réactionnaire certainement pas. Je sais qu'en plus, une partie de la Ligue, hein, la Ligue du Nord, a essayé de récupérer Pasolini comme une espèce de défenseur du régionalisme, etc. Donc, c'est bien sûr complètement faux et très malhonnête de tirer Pasolini de ce côté-là. Ce qui est certain, c'est qu'il avait une défiance terrible à l'égard du monde industriel. C'était d'ailleurs une des raisons des dissensions avec Alberto Moravia, dont il était très ami, parce que Alberto Moravia ne pouvait pas comprendre cet attachement à un monde paysan que lui-même, d'ailleurs, n'a absolument pas connu. Je crois que Pasolini était convaincu, à tort ou à raison, que ce monde-là, le monde paysan qu'il a connu pendant la guerre, avec sa mère dans le Frioul, avait un rapport très profond avec la nature, avec le sacré. Je pense qu'il n'avait pas tort de ce point de vue. Maintenant, je ne crois pas que Pasolini ait voulu laisser une population dans l'ignorance du progrès. Ce n'était pas ça. C'est-à-dire, ce contre quoi il en avait, c'était ce qu'il appelait l'homologation, c'est-à-dire une espèce de, on dirait maintenant plutôt une globalisation et une espèce de banalisation du monde qui fait que les êtres humains n'ont plus aucun rapport avec ce qui les concerne directement, mais sont obligés de se mettre dans une espèce de fausse universalisation. C'était contre cela qu'il en avait. Bien sûr, et puis contre le capitalisme et le néolibéralisme. Ah oui. Ça ne fait aucun doute. Bien sûr. Alors si je dis que dans Pasolini, il y a à la fois du Jésus-Christ, du Karl Marx et du Sigmund Freud, vous adhérez ? Oui, enfin Freud peut-être un peu moins, mais en tous les cas Marx et le christianisme, Marx et Jésus, c'est certain. Ça il l'a toujours accepté. Freud, il avait un rapport un peu plus même si dans Pétrole, il y a quand même, puis il a fait Édipe Roi quand même. Donc il a quand même consacré au mythe d'Édipe un film. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il y avait Freud aussi. Pasolini, on rappelle, est mort assassiné sur une plage à Ostie, hein, Ostie qui est 10 km de Rome, à peu près. Oui. Il avait beaucoup d'ennemis, il était torturé, il a fini comme ça, une mort violente qui n'a presque pas surpris d'ailleurs, hein, par rapport à ce qu'il était et aux ennemis qu'il avait. Oui, le problème, c'est qu'en effet, il avait beaucoup, beaucoup d'ennemis. Bon, maintenant, on sait que sa mort était probablement précisément organisée, que ce n'est pas du tout un prostitué. Le prostitué était un appât. Bien sûr. Qu'il connaissait depuis, en plus, qu'il connaissait depuis quelques mois. Donc, oui, sa mort n'a pas surpris, au point que le procès a été complètement saboté. Le procès est rapidement devenu un procès de Pasolini lui-même. C'est Jean-Paul Sartre qui a dit ça. Il a dit, au fond, c'est un procès qui a été moins le procès de l'assassin, mais le procès de la victime. Merci René de Secati. Je rappelle les deux livres que vous avez écrits, en tout cas les deux que j'ai entre les mains, sur Pier Paolo Pasolini, tout simplement, ça s'appelle comme ça, aux éditions du Rocher, et puis Le Christ, selon Pasolini, chez Bayard. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous pour nous éclairer sur Pasolini, Pier Paolo Pasolini. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.